Chapitre 29e. C'est pendant son voyage que Jacques avait eu l'idée de ce tableau. Il fit même quelques études préparatoires de paysages et de figures avant de rentrer en France. Une fois installé à Paris, il modifia son projet primitif et au lieu de la simple toile à deux figures qu'il voulait d'abord exécuter, imagina une grande composition à trois scènes et à trois personnages. Le panneau de gauche du triptyque, l'amitié, représentait Caïn et Abel marchant dans une campagne fleurie et ensoleillée. Caïn pose la main gauche sur l'épaule de son frère et de l'autre lui montre de jeunes chevaux folâtrant dans un pré, tandis qu'un vol de flamants roses tournoie au-dessus d'un étang. La lumière intense qui inondait le paysage, la profondeur de la perspective fuyant à perte de vue, la correction élégante du dessin, donnaient à cette scène un caractère de placidité sereine dont il était impossible de méconnaître la grandeur et la beauté. Dans le panneau du milieu, plus large que les deux autres et intitulé « La jalousie », l'artiste avait peint un coin de forêt du monde primitif, plein de frondaisons luxuriantes qui s'enchevêtrent de manière à former un dôme de verdure. Des rayons de soleil le percent çà et là comme de grandes flèches d'or. Des lianes flexibles se tordent en spirale autour des troncs, pendent du haut des branches supérieures comme des chevelures dénouées, ou s'élancent d'un arbre à l'autre à travers l'espace en dessinant la courbe gracieuse d'une frêle passerelle de feuillage. Et toute cette végétation fougueuse semble gonflée par le flux d'une sève plus jeune et plus forte. Une vie intense, prodigieuse, court sous les écorces et s'épanouit en floraison superbe. Des fleurs de pourpre ou de neige, larges, charnues, resplendissent comme des astres dans la pénombre humide et verte. Des aras au plumage éclatant voltigent çà et là. Au premier plan, une jeune femme est assise sur une racine noueuse qui perce le gazon. Ses cheveux flottent et pendus. Une branche souple de liseron blanc s'enroule autour de son front. Deux grappes rouges de sorbier pendent à ses oreilles. Près d'elle, un genou à terre, dans une attitude d'adoration. Abel, souriant, lui tend des deux mains une gerbe de fleurs. À droite, au-dessus d'un buisson, passe, menaçante et convulsée par une fureur meurtrière, la tête de Caïn. Le troisième panneau, le remords, montrait l'assassin biblique assis sur un rocher au milieu d'une grande plaine nue et déserte. Sa massue est à ses pieds. Son visage exprime une morne désespérance. Plus de fleurs, plus d'animaux joyeux, plus de lumière radieuse. Une lande stérile, un ciel bas où courent de grandes nuées sinistres fouettées par un vent de tempête, quelques arbres tordus et échevelés par l'ouragan. Le soleil qui se couche tache l'horizon d'une large flaque sanglante. Le meurtrier a vu cette rougeur accusatrice qui lui rappelle son forfait. Il détourne la tête et tend le bras comme pour chasser quelque horrible apparition. Si Jacques n'avait pas encore voulu laisser voir à M. de Garamante son œuvre, bien qu'elle fût presque terminée, ce n'était point, comme il l'avait dit, par coquetterie d'artiste. Il lui était arrivé une singulière aventure depuis qu'il avait entrepris ce tableau. Le premier panneau était à peu près fini quand il revint à Paris, ainsi que le fond du second. Le lendemain du jour où il avait fait sa visite de retour au Passemard et rencontré Madame de Morincourt, Henriot se mit à sa figure de femme sans modèle. Il travailla depuis le lever du soleil jusqu'à la nuit avec beaucoup d'ardeur. Le soir, le corps était esquissé, la tête faite. Il n'était point mécontent de son ouvrage. Il lui sembla qu'il avait réussi à saisir et à fixer l'expression cherchée, qui devait faire de cette femme une sorte de génie de la forêt, d'une beauté impénétrable comme la profondeur des grands bois, froide et mystérieuse comme eux, recevant l'offrande d'Abel sans que la placidité dure de son visage trahît gratitude ou plaisir. Après le rude labeur de cette journée d'inspiration, le peintre sortit pour dîner et prendre l'air. Avant de se coucher, il voulut revoir ce qu'il avait fait. Mais quand il eut tourné le réflecteur vers la toile, peu s'en fallut que la lampe n'échappât de ses mains, tant il se sentit frappé de surprise, presque de terreur, en apercevant devant lui une sorte de portrait d'André. Ce n'était ni son front, ni ses yeux, ni l'ovale parfaitement régulier de son visage, ni la couleur de ses cheveux, et pourtant cette chose indéfinissable et subtile, la ressemblance, s'y laissait surprendre, cachée admis dans certains retroussis des lèvres, dans quelque chose de cruellement ironique qu'exprimait cette tête étrange, nimbée de fleurs. Alors, avec une effrayante précision, il se rappela toute la scène du duel. Il revit Henri étendu à terre, la poitrine trouée, et Andrée souriante sur son chevalet. Il eut l'idée de prendre le portrait, qu'il avait roulé et jeté dans une malle en quittant Rome, sans vouloir le regarder depuis cette nuit terrible où il l'avait balafré d'un coup de son épée sanglante. « Je me trompe, » se disait-il, « je suis fou. Cette ressemblance n'existe que dans mon imagination. Je me suis surmené aujourd'hui et j'ai la fièvre. » Mais quand il tint la toile, roulée sur un morceau de bois, une sorte d'horreur le prit. Il n'osa plus la déployer pour comparer les deux têtes et la jeta sur un canapé. Ce soir-là, Jacques dormit mal, et son sommeil fut hanté par des cauchemars. Le lendemain matin, à peine éveillé, il courut à son triptyque et contempla avidement sa figure de femme. Au grand jour, l'effet n'était plus tout à fait le même, et la ressemblance avec André paraissait plus lointaine encore. Il aurait fallu, pour surprendre ce reflet fugitif et léger comme une ombre, connaître non pas seulement les traits de la jeune femme, mais avoir pénétré jusqu'au fond même de son être moral. Henriot fut charmé de constater qu'il y avait seulement une certaine parenté d'expression entre la tête qu'il venait de peindre et celle d'André. Il aurait pu, d'un coup de pinceau, détruire même cette vague similitude. Il ne le fit pas. Non parce que la figure était admirablement venue et lui plaisait ainsi, mais parce qu'à la réflexion, il lui parut qu'il avait le droit d'infliger ce châtiment à Madame de Morincourt, qui seule sans doute se reconnaîtrait et comprendrait l'allégorie accusatrice. Le choix même du sujet révélait que le peintre était en proie à l'obsession d'une idée morale, et que ce tableau devait avoir, dans le secret de sa pensée, une signification toute particulière de remords et de vengeance. L'introduction toute nouvelle du personnage de femme dans la légende sacrée, l'indication de la jalousie comme mobile du crime, prouvait assez qu'en peignant la scène biblique, Jacques avait la mémoire toute pleine encore des souvenirs du drame dont il avait été l'acteur principal. D'abord, il ne voulait pas pousser plus loin l'allusion. Mais dans ses cerveaux d'artiste, tout prend corps et figure. Ils voient ce qu'ils pensent, tant leur esprit répugne à l'abstraction. C'est ainsi que la femme quelconque qu'il avait voulu peindre était devenue à son insu Andrée, sinon pour les autres, du moins à ses yeux. Abel devint peu à peu Henri Mareuil, et le moment arriva bientôt où Cain ne fut plus que Jacques lui-même. Pas plus que la tête de femme, les deux têtes d'hommes n'étaient, si l'on veut, des portraits, et pourtant, à les regarder très attentivement, quelque chose d'insaisissable, un trait imperceptible, trahissait la pensée de l'artiste. Il travailla dès lors avec une passion extraordinaire. Il lui arrivait de se dire parfois qu'il faisait œuvre non pas seulement de peintre, mais aussi de justicier, et qu'il accomplissait la malédiction muette jetée par Mareuil, sanglant à cette femme qui leur avait mis l'épée à la main. Sa vie ancienne à laquelle il voulait échapper quand il rentra en France le ressaisit tout entier, et chaque jour un peu plus fortement, après ses longs tête-à-tête avec Henri et André. Pauvre petite blanche haute claire, comme une gentille rondelle qui songe à faire son nid, elle était entrée un instant dans cette âme troublée et n'aurait pas demandé mieux que de s'y poser. Mais une telle tempête y soufflait qu'elle avait pris peur et s'était enfuie.